cruel en semblait et cruel en soi. Cruel en semblait, pensait qu'il y avait une rhétorique de magogique, pensait que notre langue est universelle, oubliait qu'il y a des frontières, oubliait que nous devons respecter les droits des autres, oubliait que vous devez respecter les géopolitiques. Pensez que la corruption est transmise par osmosis. N'est pas connaître la différence entre la menu et l'adulte. Vous savoir occuper votre pas coiffe. Croyez en soi. Pensez avec une rhétorique claire et concise. Pensez une langue en fonction de la région. Être conscient de la frontière, promouvoir les marches ouvertes et la mondialisation contradictoire ne sont pas. Nous devons respecter les droits des autres. Vous devez respecter la géopolitique avec l'intention de soumettre la corruption. Connaître la différence entre la menu et l'adulte. Vous savoir et occuper votre coiffe. Et cavalier.